C'est la planète de communication. C'est pour ça qu'on perçoit certaines choses, certaines personnes perçoivent, certaines choses. C'est ça. Exactement. On emploie, on emploie. C'est ça. Et Jupiter, c'est la planète de la destruction de la force. Il va falloir choisir un peu ou non. Non, on vit les deux. Vous vivez les deux en même temps. Il y a une bonne position. Non. Vous vivez les deux en même temps. L'énergie passe à faire son travail, puis la destruction de la force se fait en même temps. C'est ça. C'est ça. Ça déchire la personnalité. Ça fait comme si tu vis deux vies en même temps. Il ne faut pas se laisser dormir ça. Hein? Absolument pas, il ne faut pas se laisser dormir. Il ne faut pas se laisser dormir du tout. D'ailleurs, c'est ça que je vous ai expliqué depuis le début. Quand je vous dis, prenez pas votre carte ce qui passe dans votre tête. Croyez pas tout ce qu'ils vous disent. Prenez ce qui vous plaît, seulement. Alors, t'as le choix de choisir entre les deux. Effectivement. Ça finit toujours la même chose, seulement ce qui se produit dans in the meantime, c'est que tu descends ta volonté, tu descends ta volonté, tu descends ta volonté, tu descends ta volonté. Fait qu'éventuellement, il y a un équilibre entre ta volonté et l'autre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le haut et le bas. C'est pas dans la spiritualité que vous avez trouvé cette volonté-là. C'est dans le combat entre vous et eux, en votre intelligence et eux autres. Pas te trouver, dans le sens de combattre la force. C'est pas eux autres que tu combats, bon, c'est la force que tu combats, c'est toi-même que tu combats. C'est ça. Très juste. Très, très, très. C'est pas eux autres. Parce que eux autres sont en dehors de la force. Quand tu combats la force, que tu as l'impression de te combattre eux autres, parce qu'eux autres manipulent l'énergie qui est là, qui est dans la forme. Après ça, quand tu détruis la forme, ils vont dire, t'avais raison. T'avais raison. T'avais raison. Non, parce que t'avais raison, parce que avoir raison, c'est être capable de détruire la forme. Non, Bernard, parce que moi, j'ai une idée qui traverse pas tellement longtemps, je suis en train de vous aller, mais je suis en train de deux fois, c'est encore deux fois plus fort. Parce que le travail n'est pas fini. Donc, qu'est-ce qui se passe à me battre? Hein? They have to finish the work. Faut qu'ils finissent le travail. Le travail, le travail prend le temps que ça doit prendre suivant vos personnalités, c'est tout différent. Wow. Parce que, oublie pas que le travail, si tu fais, c'est pas au niveau de la comme au niveau de l'ancienne psychologie, tu peux dire, bon, au niveau de l'ancienne psychologie, tu peux dire, tu as compris quelque chose. Mais au niveau de la nouvelle psychologie, c'est toujours un perfectionnement, puis un perfectionnement, puis un perfectionnement, puis un perfectionnement, puis un perfectionnement. Parce que le travail n'est pas fini. Parce qu'il y a encore tout à faire. Fait que l'affaire de la patience, c'est ça. T'en arrives à être patient, puis quand t'es bien, bien patient, t'es bien, bien conscient, quand t'es bien, bien conscient, t'es bien, bien patient. C'est un cercle. Déjà, la famille, elle est bien patiente à des moments donnés. Ouais. Des moments donnés, quand tu veux de la famille, ça dépend. Ouais. Non, mélange pas ça. Pas ça, la patience. Non, la patience, là, c'est d'être capable de supporter une situation vibratoire, psychologique, humaine, aussi longtemps que les autres. Sans que toi t'en souffres. Comme supposons que je suis avec vous autres, je suis bien, bien fatigué, là. Tu vois, j'ai pas de vie pendant 5 heures, là. 5 jours. Bien fatigué, là. Je peux pas partir quand je veux. Ouais, je sais que je vais partir. Ou je peux dire combien de temps, ils vont dire 3 heures. 3 heures. 2 heures. Je peux pas partir avant ça. Mais les cases sont assez ajustées, là, pour que l'ego ne soit pas capable de se créer une forme de désir de partir avant le temps. Fait que je reste tout le temps, quand j'ai resté tout le temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Sans ça, je retarderais le travail. Il y aurait une énergie, il y aurait un niveau de vibration qui n'aurait pas été atteint. Vous autres, vous partiriez avec le sentiment qu'il ne s'est pas été confiant. En tout cas, moi, je le sens. Il y a un temps. Puis de la même façon, ça pourrait être le contraire. Je pourrais venir 5 minutes, sacré mon cœur, ça me donnerait un mot de choc, vous allez tout payer 10 piastres pour rien. C'est la même vibration. Comprends-tu? Je donne un exemple, c'est précis. Ça en arrive à vivre dans leur énergie. Mais pour vivre dans leur énergie et pas souffrir de leur énergie, c'est ça la résistance. C'est ça qui vous écœure pendant des années. Parce que quand tu vis dans leur énergie, à ce moment-là, tu vis dans le pouvoir de l'énergie. C'est dans ton énergie que le passé. Tu sais que tu ne pas la salle-là. C'est bien, c'est quand tu es dans l'énergie et que tu es cet état de résistance, tu es automatiquement patient, dans la patience. Tu pars quand c'est le temps vibratoirement, tu le sais, il t'envoie une vibration, tu le sais que c'est ton temps, tu pars pas avant. C'est bien important la patience. Ça fait bien niaiseux, mais c'est bien important. C'est un état la patience. C'est directement lié à votre pouvoir mental, la patience. Qu'est-ce que tu as fait dans le moment où on vit dans ce moment notre évolution, dans l'évolution que nous vivons en ce moment, qu'est-ce que tu as fait de force négative, force positive? Est-ce que c'est vrai, moi j'ai l'impression qu'on le vit, c'est vraiment le premier qui fait, c'est à dire les expériences personnelles, les affaires politiques, les histoires de guerre. Tout ce qui arrive en ce moment sur le compte mondial, c'est hors de la portée de ce qu'on veut Richard Ford. Okay. Mais est-ce qu'on est par nous-mêmes maintenant? Il n'y a plus personne qui nous aide en ce moment pour l'évolution qu'on a à faire. Ça dépend de nous autres si on veut ou prendre la barre ou la manger. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre par soi-même, montrer votre proposition personnelle, juste pour vous en rendre plus. Soit de la prendre, la vente ou de la mentir. Il n'y a personne qui va nous aider à partir de là. Une fois que vous entrez dans l'évolution, l'expérience est totalement personnelle. Il n'y a personne qui peut vous aider. Vous êtes obligé de vivre les changements vibratoires. Des gens peuvent vous donner des qualifications, vous dire oui, mais, vous faire comprendre que vous n'avez pas compris comme il faut. Mais vous devez le comprendre par votre propre expérience. Une personne peut vous parler de 5 des points de référence. Alors, suivant la précision vibratoire de cette personne-là, elle peut vous aider plus ou moins. Mais c'est par votre propre expérience que vous vivez l'expérience. Moi, je ne peux pas vous aider. Je vous inscris. C'est un point de référence. C'est un point de référence. Ouais. Mais je ne peux pas vous aider. Non. Alors on est par vous-même. Je ne peux pas vous aider vous-même non plus. Vous devez vivre par vous-même l'expérience. Et vous devenez automatiquement de plus en plus conscient. La seule chose que je fais, c'est que je vous donne des points de référence pour vous empêcher de pas pouvoir comprendre. Les points de référence vous permettent de comprendre, de saisir certaines choses au fur et à mesure que vous avancez, que vous avancez, que vous avancez, que vous avancez, que vous avancez. Mais l'expérience que vous avez utilisée, ça je vous dis, c'est plus la connaissance, la psychologie, la philosophie, c'est la vie. L'intégral, c'est total. C'est absolu pour nous. Un exemple, un exemple. Par exemple, ça je dis tout le temps, je peux pas vous donner de conseils. Je fais, ouais, que le bon ça va aller, c'est bien. Et quand même, je dirais, ça va être bord-là ou ce bord-là. Je vous donnerai des conseils, ça ne sera pas bon. Parce que vous suiveriez ce que je vous dis. Je pourrais vous dire quelque chose qui sera totalement autre, seulement vous donner un choc.

Je me suis toujours opposé à la prophétie, puis je m'opposerai toujours à la prophétie. Parce que je ne ferai jamais de prophétie. Si je dis des choses importantes, elle vivra en 84. Dans la vie personnelle. Puis les gens font de l'overtime. Ça passe d'une bouche à une autre bouche, à une autre bouche, pour en dire tout, c'est quelque chose. Je vous raconter des histoires, des légendes déjà, puis c'est quelque chose. C'est une étiquette. Mais je sais pas ce qui m'aime, parce que c'est vraiment extérieur. Parce que dans l'évolution de la terre, c'est parti. Bon, c'est vraiment quelque chose. C'est pas ce qu'on va dire, mais c'est vraiment quelque chose. Les choses que tu peux dire sont liées au karma humain. L'humanité a engendré des forces, l'humanité doit revivre ces forces-là, se manifestent quand elles durent. Mais le point que je veux faire, qui est important, c'est de ne pas vous servir de prophétie. Parlez jamais au niveau prophétique quand vous voulez parler au monde. Parlez au monde. Si vous parlez au niveau prophétique, vous parlez avec la préscience du futur et non la science de l'avenir. Il y a une grande différence entre le futur et l'avenir. Le futur ne se produit jamais. C'est le discernement. C'est rendu au point où vous avez le discernement, ils vont vous couper les gardes et vous ne pourrez pas le parler. Ça fait partie, pour que tu comprennes, ça fait partie de ton évolution, ça fait partie de ta sensibilité. T'as une grande sensibilité, t'as une grande capacité de jaser, t'as une grande capacité de faire passer l'information, mais les cases ne sont pas ajustées, fait que ça sort pas toujours droit, ça sort croire, ça sort croire. Mais un jour, ça va sortir droit, quand ça va sortir droit, à ce moment-là, tu vas faire quelque chose que tu sais même pas vous le dire. Alors, tu vas pas te le dire. Parce que si te le disent, tu vas t'accrocher à la forme de ça. Ça va tout retarder le travail. Quand je dis, quand tu parles, apprends à parler, à en dire moins. Si tu me demandes une question, m'envoie une question, donne-moi pas tout un statement. Tu me demandes une question, puis tu me demandes ensuite si ça coïncide avec ta question. Tu fais de l'énergie. M'envoie une question, pas vraiment. Ou tu réponds suivant la situation. Parce qu'il faut considérer une chose, surtout les gens qui ont de l'intelligence encore. Quand vous avez de l'intelligence, il faut que vous sachiez que la personne qui vous écoute n'a pas de patience. Moi, tu peux me parler toute croche, tu peux écouter pendant 5-10 heures à me parler croche. Ça change rien parce que je sais que moi, je suis neutre. Fait que c'est bon, puis moi, je sais que c'est bon pour toi que tu te poses un soir et que tu me parles croche pendant 10 heures de temps. Mais tu sais parler croche pendant 10 heures de temps. Mais tu peux pas demander au gars, qui reste à côté de chez vous, de t'entendre parler croche pendant 10 heures de temps, il va capoter. Il va dire, wow, m'en va chez nous, prends un billet. Exactement. Regardez quand les gens vous parlent, quand c'est trop croche, ça vous fatigue. Ça vous fatigue automatiquement. Quand quelqu'un te parle un petit peu plus précis, mais là c'est plus facile, tu peux les tenir. Tu peux les écouter pendant des heures de temps, plus longtemps. C'est ça qui arrive avec le justement vibratoire. Il y a autre chose qui a aucun rapport avec ça, puis ça fait longtemps que tu voulais savoir depuis le final. Ça ne donne rien de savoir ça, parce que ça, si même si je vous le dis, ça ne se comprend pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous pouvez me reposer la question, mais je peux vous la refuser encore. Ça dépend ce qu'ils veulent faire, ça dépend des autres, pas moi, moi je m'en fous. Répondre à des questions ou pas répondre. Je voudrais des lectures sur le niveau, là. Que ça pourrait être soit sur un plan, comment ça pourrait être soit sur un plan indigène ou un plan indigène. C'est pas valable. C'est pas valable parce que tu... C'est pas mon intellectuel. Comment c'est pas ton intellectuel? Ça fait partie encore de ta structure psychique. La structure psychique change, les questions changent. Possible.